des médias dans l'état d'urgence et bah je te non oh, bon, tu vas dire ce que t'en penses et donc je te laisse démarrer. Bon, je vais... bonjour. Donc je m'appelle Mathilde. Vous m'entendez ou pas? Là vous m'entendez? Ok. Donc je m'appelle Mathilde et je suis journaliste à Mediapart. Et ma petite réticence par rapport au titre initial, c'est que l'état d'urgence finalement concerne. Il y a assez peu de mesures comprises dans l'état d'urgence qui concernent les médias. C'est-à-dire finalement c'est plutôt la loi antiterroriste qui a limité certaines pratiques journalistiques. Mais on peut considérer que les médias ont eu un rôle déterminant dans le décryptage et pour certains dans la dénonciation de l'état d'urgence. J'appartiens à un média qui a pris position publiquement contre l'état d'urgence, donc c'est aussi à ce titre que j'interviens. Et ce que je vais vous raconter est aussi le fruit du travail de mes collègues sur le sujet. Donc, voilà, c'est donc une forme de communication collective. Simplement pour reprendre un peu le fil, l'état d'urgence a été mis en place après les attentats de janvier. Il a été prolongé une première fois, puis revoté après les attentats de novembre pour encore quelques mois, reprolongé également à l'issue des attentats de novembre. Et là, il vient d'être prolongé pour 6 mois, jeudi dernier, ce jeudi, le 21 juillet. Je vais revenir peut-être un peu plus tard sur les conditions de son élargissement, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé par rapport à la première mouture de l'état d'urgence, donc celle de janvier puis celle de novembre. Vous avez sûrement dû déjà l'entendre si vous fréquentez la place de la République depuis un certain temps, mais l'état d'urgence est un concept en tout cas qui a été utilisé une première fois pendant la guerre d'Algérie, puis qui a été utilisé sur le territoire métropolitain en 2005 lors des émeutes ou de la révolte des banlieues, ça dépend de quel point de vue on parle. Il a été aussi utilisé un certain nombre de fois, c'est un peu moins connu, en Outre-mer, notamment lors du mouvement contre la vie chère, où il a été utilisé quelques jours. Il y a deux autres niveaux en fait au-dessus de l'état d'urgence, qui sont l'état de siège et les pleins pouvoirs. Donc c'est en graduation, on est au troisième niveau. L'état d'urgence est donc une loi qui permet de restreindre la liberté de manifestation, la liberté de circulation et la liberté d'expression. Donc c'est sûrement aussi à ce titre qu'un lien a été fait sur les médias, même si, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est moins clair sur les libertés d'expression. Et donc il est mis en place pour 12 jours, et puis pour le prolonger après 12 jours, il faut une loi. Et les modalités de l'état d'urgence, c'est-à-dire sa mise en œuvre opérationnelle, nécessitent un décret. Et c'est donc pour ça qu'à chaque fois que le président Hollande, par exemple, dit on va prolonger l'état d'urgence, il est obligé de repasser par le Parlement et par le Sénat pour mettre en place donc une loi qui va établir sa mise en œuvre opérationnelle. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça repasse par l'Assemblée, ça repasse par le Sénat. Là, le dernier élargissement est le fruit d'une procédure accélérée. C'était déjà le cas pour la dernière fois, c'est-à-dire que c'est pas une procédure législative classique, c'est une procédure accélérée. Et la vraie nouveauté de cette séquence, si on peut dire ça comme ça, c'est que l'état d'urgence a été constitutionnalisé. C'est-à-dire que le président de la République a décidé de l'inscrire dans la Constitution et a donc réuni le Congrès à Versailles pour ça. Et il a finalement, même s'il a échoué sur l'état de la déchéance de nationalité, il a réussi à intégrer dans la Constitution la notion d'état d'urgence. Je continue ou ouais. C'est pour redire à peu près ce que c'est l'état d'urgence première version. C'est donc la possibilité de mener des perquisitions administratives. Ça veut dire être en capacité, sans autorisation d'un juge, d'aller chez une personne suspectée, non pas par enquête judiciaire, mais simplement sur la foi des renseignements, éventuellement par délation aussi auprès des services de police, d'aller perquisitionner, donc s'introduire dans son domicile pour y recueillir des éléments susceptibles de mener à une enquête. Il permet également d'assigner à résidence des personnes qui n'ont pas, encore une fois, pas fait l'objet, qui ne font pas l'objet forcément d'une enquête judiciaire. Il permet enfin d'interdire toute manifestation ou tout événement s'ils sont susceptibles de perturber l'ordre public ou s'ils nécessitent de prendre des moyens tels que cette mobilisation des moyens perturberait l'ordre public. C'est notamment ce qui avait été invoqué lors des manifestations loi travail. C'est aussi ce qui a été invoqué lors des Nuits debout ici, place de la République. Donc voilà, le débat parlementaire a eu lieu la semaine, ces 15 derniers jours, sur l'élargissement de l'état d'urgence. Donc là, je vais faire un peu du catalogue, mais c'est à mon avis un peu important. La droite était très très déchaînée lors de ce débat-là, puisque les attentats de Nice ont eu lieu. Il y a eu un gros débat sur les défaillances sécuritaires. Enfin, vous en avez sûrement un peu parlé lors du dernier débat sur la défaillance sécuritaire du pouvoir socialiste, sur le fait que l'état d'urgence n'était pas suffisamment dur et que donc un attentat aurait pu être évité. Donc là, ils l'ont durci. Donc ils autorisent à nouveau les perquisitions administratives, ils autorisent la saisie des informations, des données informatiques et téléphoniques lors des perquisitions, ce qui n'était pas possible par avant. C'est-à-dire, pour bien que ça soit clair, c'est-à-dire qu'ils pouvaient perquisitionner, mais l'étude des données devait être en lien avec une ouverture d'une enquête judiciaire. Donc là, on n'a à nouveau pas besoin d'une enquête judiciaire pour saisir données informatiques et téléphoniques. Fouille de n'importe quel véhicule ou bagage. Fermeture d'un lieu de culte s'il est jugé dangereux, sans enquête judiciaire. Je le répète à chaque fois parce que c'est vraiment ça la nuance. Lors d'une perquisition administrative, un mineur pourra être retenu pendant 4 heures, ce qui n'était pas le cas auparavant. Toutes les manifestations pourront à nouveau être interdites si la sécurité ne peut pas être assurée. Il y a aussi d'autres mesures dans l'état d'urgence, troisième version, si je peux dire ça comme ça, qui relèvent beaucoup plus de lois antiterroristes, mais qui ont néanmoins été intégrées dans la loi sur l'état d'urgence. C'est des mesures qui avaient été rejetées en partie lors du précédent débat, rejetées par la gauche. Et cette fois-ci, la gauche les a parfois proposées, en tout cas le plus souvent adoptées. C'est dire si la... Ça, c'est une analyse personnelle. Si le Parlement se droitise, en tout cas se met aux idées de la droite sur ces questions-là aussi de plus en plus. Donc vidéosurveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les cellules des personnes poursuivies pour terrorisme et non pas condamnées pour terrorisme, donc poursuivies pour terrorisme. Expulsion définitive d'un étranger condamné pour terrorisme, c'est la réactivation en fait du principe de la double peine. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont manifesté en 2003 pour sur cette question-là. Voilà. C'était une mesure portée sous Jacques Chirac par Nicolas Sarkozy. Ces personnes-là, les personnes condamnées pour terrorisme ne peuvent pas non plus bénéficier d'un régime de semi-liberté. Allongement de la rétention d'un mineur mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Donc allongement de la durée de 2 à 3 ans. Port d'armes pour policiers municipaux facilités. Là, on voit aussi le lien direct avec les attentats de Nice. Régime d'écoute administrative assoupli. Là, ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que auparavant, les écoutes administratives étaient autorisées dans le cadre de l'état d'urgence. Là, le deuxième cercle, c'est-à-dire toute personne, toute personne en lien avec une personne susceptée de terrorisme pourra être écoutée. C'est-à-dire que le cercle concentrique autour de la personne suspectée s'élargit. Enfin, en tout cas, le cercle des écoutes possibles s'élargit. Donc cette loi d'état d'urgence a été votée sans vouloir faire du poujadisme ou de l'antiparlementarisme, mais il y avait 93 députés présents seulement lors du débat sur l'état d'urgence à l'Assemblée nationale. Le texte a été voté à une très très large majorité. Ils étaient 316 votants pour au Sénat et 26 contre. Donc ils étaient quand même bien plus nombreux au Sénat qu'au Parlement sur cette question-là. Mais semble-t-il qu'il y aura des questions prioritaires de constitutionnalité, donc des QPC, puisqu'une partie des mesures dont je viens de parler en fait sont jugées par certains anticonstitutionnelles. En tout cas, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Alors, ensuite, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, l'état d'urgence? Là, c'est pareil, je pense que c'est important de redire ce que nous avons publié, ce que d'autres médias ont publié, ce que des collectifs citoyens ont dit aussi ici ou ailleurs, qu'il n'y a presque plus de perquisitions administratives depuis... les perquisitions administratives, en gros, le gros a eu lieu un ou deux mois après les attentats de novembre, depuis, il n'y en a presque plus. Sur les résultats, en termes de rendement judiciaire, c'est-à-dire le nombre de perquisitions qui ont donné quelque chose sur le plan du judiciaire, j'ai les chiffres, on a les derniers chiffres qui datent d'avril, qui sont issus de la commission d'observation et de contrôle des députés l'état d'urgence. Sur 3500 perquisitions administratives, 600 ont débouché sur une information judiciaire, 67 sur une condamnation, assortie pour 57 d'entre elles de peine de prison. Par contre, 28 procédures seulement concernaient du terrorisme, 26 de ces 28 condamnations pour apologie du terrorisme. Donc on considère en fait qu'il y a 5 enquêtes ouvertes pour terrorisme sur les 3500 perquisitions administratives menées. Il est peut-être bon aussi de rappeler que le judiciaire continue à faire son travail et qu'il y a aussi donc des enquêtes menées par le judiciaire avec ou sans état d'urgence, avec ou sans perquisition administrative, qui débouchent aussi sur des condamnations terroristes. Hein. Donc voilà, c'est donc un très faible rendement judiciaire. Après, chacun se fait son point de vue sur la nécessité de l'état d'urgence, mais en tout cas, c'est les chiffres. Il y a aussi plusieurs centaines d'armes qui ont été saisies, donc un net ralentissement du volume d'armes en circulation, sachant qu'une grosse partie de ces armes circulait pour des raisons de grand banditisme. Encore une fois, ce n'était pas forcément en lien avec une activité terroriste. On peut considérer que c'est bien que le volume d'armes présent sur le territoire soit réduit, hein, quelle qu'en soit la raison, mais simplement pour relier état d'urgence et terrorisme. En outre, un certain nombre de juges, le plus connu d'entre eux est le juge Trévidic, mais pas seulement, se sont plaints que les perquisitions administratives et les enquêtes administratives avaient dérangé le bon déroulement des enquêtes judiciaires, notamment sur les réseaux de drogue, où la perquisition administrative a mis à terre parfois un an, deux ans de travail d'enquête judiciaire. Vous avez aussi, j'imagine, en tête les dommages collatéraux de ces perquisitions administratives. L'expression n'est pas de moi. Les maraîchers bio perquisitionnés l'an dernier, les militants d'extrême gauche, écologistes, anarchistes, libertaires, assignés à résidence, donc qui est l'autre volet de l'état d'urgence. Les nombreuses familles musulmanes, de confession musulmane ou commerçants musulmans, restaurateurs notamment en Île-de-France, qui se sont vus perquisitionnés par simple délation. Et qui donc n'avait pas, ça n'a évidemment rien donné, mais le procédé même de la perquisition était contestable. C'est le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui n'est pas réputé pour être un gauchiste ultra, qui a dénoncé à maintes reprises, et encore une fois cette dernière semaine, un comportement non déontologique des forces de l'ordre, des propos déplacés sur les pratiques religieuses, des insultes devant les enfants, des violences contre les femmes enceintes et des violences contre des personnes handicapées lors de ces perquisitions administratives. Lors des assignations à résidence, il a dénoncé des contraintes démesurées pour des personnes qui, dans la grande majorité des cas, ne sont pas soumises à des procédures pénales. Je vous rappelle, par exemple, ces personnes qui ne peuvent plus ou qui ne pouvaient plus travailler à cause de l'assignation à résidence qui oblige à rester à résidence ou à venir pointer dans le commissariat le plus proche, parfois trois fois par jour. Sans même parler, toujours selon Jacques Toubon, du climat délétère qu'a pu entraîner la question des perquisitions et des assignations, notamment dans le voisinage. C'est-à-dire quand un voisin a sa porte défoncée ou se fait perquisitionner à 3h du matin, sans forcément de raison ultra fiable, ça peut avoir une incidence sur son traitement par la suite par son voisinage. Il y a aussi enfin les dérives sur la question de l'ordre public. Qu'est-ce qui relève de l'ordre public ou pas et à quel moment il convient d'intervenir. L'état d'urgence a été invoqué pour interdire notamment les manifestations autour de la COP21, pour tenter d'interdire et finalement encadrer les manifestations contre la loi travail, comme à Rennes, à Nantes, à Paris, ou encore évacuer à certains moments la place de la République lors des Nuits debout. C'était le cas aussi ailleurs qu'à Paris. Voilà, donc pour le gouvernement, si l'état d'urgence permet de déjouer un seul attentat, il est justifié. C'est les propos de Bernard Cazeneuve la semaine dernière. Voilà. Plusieurs associations néanmoins, comme la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat national de la magistrature, la FIDH, encore une fois des assemblées syndicales et citoyennes. Syndicales, je pense notamment aux gens réunis à la Bourse du Travail ici, qui ont été encerclés à nombreuses reprises lors des manifestations, pensent qu'il est relativement inefficace, mais par contre potentiellement liberticide, car il pérennise une situation d'exception. Accroît le pouvoir de la police et celle du préfet, et diminue celle du judiciaire, rompant ainsi l'indépendance et la garantie des libertés individuelles qu'est censé assurer les juges. Voilà. Le 14 juillet, donc la semaine dernière, celle d'avant, lorsque François Hollande s'est adressé aux Français lors de son discours à la Nation, il a dit qu'on ne pouvait pas prolonger l'état d'urgence indéfiniment, cela n'aurait aucun sens, cela voudrait dire que nous ne serions plus une république avec un droit qui pourrait s'appliquer en toutes circonstances. Voilà, il a prolongé l'état d'urgence la semaine d'après. Voilà. Concernant les médias et l'état d'urgence, donc outre l'aspect décryptage et parfois dénonciation, il y avait un article en fait dans la loi de 1955, donc qui est la loi d'état d'urgence, qui à chaque fois est donc revotée pour ses modalités opératoires, un article qui s'appelle l'article 11, qui permet un contrôle immédiat en cas d'urgence, en cas d'état d'urgence, de la presse, des médias, des théâtres, du cinéma. Mais cet article n'a jamais été retenu, ni en janvier, ni en novembre, ni en juillet. Donc voilà, il n'y a pas dans le cadre de l'état d'urgence de pression particulière mise sur les médias. Dans la dernière mouture du texte seulement, donc dans la version 3 de l'état d'urgence, il y a une demande faite au CSA d'élaborer un code de bonne conduite relative à la bonne couverture audiovisuelle des attentats. Alors, il semble que ça fait référence à la fois à certaines dérives qu'on a pu constater dans des médias sur la question de la dé, donc des victimes, ou enfin en tout cas de toutes les personnes concernées, mais aussi sur le fait que des images divulguées sur les réseaux sociaux pouvaient nuire à l'enquête. Donc c'est dans ce sens-là que le CSA serait chargé d'élaborer un nouveau texte sur la couverture des attentats. Également, alors ça c'est plutôt des anecdotes personnelles et compilant des témoignages de nos collègues, lors des manifestations, nous avons été nombreux, journalistes et photographes, à se voir interdire l'accès aux manifestations parce que nous avions du matériel de protection dans nos sacs, que nous utilisions à des fins professionnelles pour nous protéger lors des manifestations, et qui nous ont, on nous a dit qu'il fallait, qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans la manifestation à cause de l'état d'urgence. Ce n'est pas basé sur une quelconque législation. C'est, je pense, une interprétation policière un peu extensive de l'état d'urgence. Mais ça a quand même été employé à plusieurs reprises, notamment chez les photographes qui étaient suréquipés. Voilà, donc c'est la fin de mon intervention. Merci pour ton intervention. Donc on va passer aux réactions et aux questions, parce qu'on a le droit de poser des questions. Mais n'hésitez pas à réagir et dire ce que vous pensez de ce qui vient de se passer. Voilà. Merci. Tout à l'heure, je voulais répondre à Sophie avant qu'elle parte, mais elle est partie. Et le propos de l'état d'urgence et l'explication de l'état d'urgence remet à ma pensée donc les propos de Sophie tout à l'heure. Parler de l'état d'urgence en France et parler de l'état d'urgence aux Antilles, sincèrement, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Et donc, là, ça fait deux jours qu'on parle d'état d'urgence. Sincèrement, l'état d'urgence en France, c'est les vacances. En fait, je parle de la métropole, hein, France métropole. C'est-à-dire que les mêmes donneurs d'ordre décident d'un état d'urgence différents en fonction de là où ils le décident. L'état d'urgence aux Antilles, c'est des militaires qui tirent sur ce qui bouge quand t'es dehors à telle heure. Je pense pas que ce soit arrivé encore en France. Et tout à l'heure, on parle des parce que là, on parle d'état d'urgence, mais vraiment, il faut se rendre compte de qui décide cet état d'urgence et quel est le rôle de ces gens dans la politique que l'on vit aujourd'hui dans les attentats et autres. Donc, personnellement, on va pas revenir sur le problème de la France-Afrique, mais ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens, les mêmes ministres, les mêmes députés, les mêmes gouverneurs, les mêmes machins qui gèrent la police et les militaires hors de la métropole France et les militaires dans la métropole France. Donc lorsque vous allez manifester en état d'urgence contre la loi travail, vous verrez qu'une partie de la population ne vient pas vous aider. Mais lorsqu'une partie de la population dit « on vit ci, on vit ça », ceux qui ne se sont pas considérés ne vont pas les soutenir. Donc on en est arrivé dans une division du peuple en fonction de ses intérêts. Et lorsqu'on parle d'état d'urgence, c'est vraiment ça. Parce que l'exposé qu'elle vient de nous faire de l'état d'urgence, je ne sais pas si ça fait peur à quelqu'un. Sincèrement, l'état d'urgence, c'est les vacances. Ben voilà. Et... elle ne fait pas partie de ces restaurateurs qui ont perdu leur truc, de ces mecs qui sont avec leurs enfants et qui arrivent avec la police et avec leurs voisins qui voient la police arriver parce que, soi-disant, qu'on a dit qu'il avait... enfin voilà, sa barbe était mal rasée ou trop longue. C'est-à-dire que on reste encore dans ce racisme considéré du... on va en faire plein parce que bon, le méchant possible... de par son physique et de par ses origines, fait qu'on a besoin de le défendre. Moi, je vois pas en état d'urgence. Là, on est en état d'urgence depuis une semaine. Il n'y a pas de policiers autour de nous. Bon, il y a des caméras. Donc, sincèrement, on peut définir l'état d'urgence sur papier, mais lorsqu'on ouvre nos yeux, on comprend pas. Sincèrement, moi, l'état d'urgence, à part les manifestations, ça m'a pas dérangé personnellement. Voilà. En plus des manifestations, voilà. Donc, quand est-ce que, au lieu de parler d'état d'urgence, je sais même pas comment on va les appeler, des connards hypocrites, des toutes ces saloperies étatiques et politiques, excusez-moi du terme, on pense qu'on veut de ces gens-là, mais j'ai même pas, il y a même pas de mot de dictionnaire dans le dictionnaire pour définir ces personnes. Quand est-ce qu'on fait l'état d'urgence du peuple? Est-ce que le peuple est en état d'urgence ou oui ou non? Non, parce que la bière est trop fraîche, parce que ils nous font un état d'urgence, mais ils donnent des bières fraîches. Non, parce que ceci, parce que ça. Est-ce que la vraie problématique, c'est pas la pseudo-état d'urgence ou l'état d'urgence dans lequel ils nous font vivre et leurs décisions à la con, plus que le vrai problème, c'est quand est-ce que le peuple se sent vraiment, lui, en état d'urgence? Est-ce que le peuple se sent vraiment en danger? Est-ce que le peuple se sent vraiment compris ou incompris ou malmené? Est-ce que le peuple se pose la question du vraiment tous ensemble et de l'écoute? Donc l'état d'urgence qu'on parle médiatique et les médias, on peut en penser ce qu'on veut, mais les médias sont plus que coupables dans ce qui se passe. Parce que les médias ont caché de la vérité pendant longtemps aux Français. Et au jour d'aujourd'hui, non seulement ils vont le cacher, mais ils vont pas le dire, ils vont pas tout dire. Il y a madame qui est venue nous parler de certaines choses. Si elle n'était pas venue, les médias ne nous en auraient pas parlé, alors que c'est simple ce qu'elle a expliqué. Ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure, les médias le savent. Mais les médias ne vont pas nous l'expliquer, parce que donc à un moment donné, les médias, est-ce que c'est pas le problème d'état d'urgence? Est-ce que les médias sont ou pas complices du système? Est-ce que les médias empêchent le peuple de se regrouper et vraiment de dire stop à tout ce bordel et de se mettre en état d'urgence, c'est-à-dire en vraie révolte de peuple? Est-ce que c'est pas là vraiment le vrai problème des médias? C'est d'empêcher les peuples de France de se rassembler et de pratiquer une vraie révolte d'ensemble. Est-ce que tu veux réagir du coup? Il y a deux choses. Il y a la faculté d'indignation à géométrie variable selon qu'il s'agisse de la métropole ou de l'outre-mer, voire de l'étranger. Là, je suis assez d'accord. Je pense par exemple qu'assez peu de gens savent que l'état d'urgence a déjà été utilisé dans les territoires d'outre-mer. Par ailleurs, sur le rôle des... Non, et qu'il était sûrement bien plus raide que le nôtre, même si c'était peut-être pas dans le cadre. Après, il y a la traduction concrète et le texte de loi qui va derrière. Après, sur le rôle des médias, c'est peut-être un autre. C'est quasiment un débat transversal à tous les sujets que vous avez pu développer ici. Je peux pas dire grand-chose, sauf que j'ai l'impression que certains font leur travail en relatant les manifestations du collectif Stop État d'urgence, en relatant les manifestations qui ont lieu malgré l'état d'urgence, en décryptant au maximum ce que c'est que le texte et quelles sont ses applications. C'est sûrement pas suffisant. Je peux vraiment pas parler pour l'ensemble de mes collègues. Je parle que de ce que je connais. Donc madame qui attend depuis le début. Bonjour. Oui, je voulais poser comme question. Vous avez dit que, en fait, François Hollande ou son gouvernement, déjà, j'aimerais que vous m'éclairiez là-dessus. Est-ce que c'est le gouvernement, c'est-à-dire le Parlement, enfin plutôt les ministres, ou bien le Parlement ou le président proprement dit, qui a inscrit dans la Constitution l'état d'urgence? Alors quelle est la différence entre quelles sont les conséquences de l'inscrire dans la Constitution alors qu'avant l'état d'urgence était hors de la Constitution? Qu'est-ce que ça fait comme différence sur le terrain, bien sûr? En fait, l'état d'urgence, la loi de 1955 sur l'état d'urgence, c'était ce qu'on appelle une loi ordinaire. Qui pouvait donc être déclenché un peu au bon vouloir et modifié au bon vouloir. Lorsque François Hollande décide de l'intégrer dans la Constitution, il le fait selon son point de vue. Il le fait, effectivement, c'est lui qui le fait. C'est lui qui déclenche le congrès de Versailles et c'est lui qui demande que ça soit inscrit. Par contre, après, c'est une loi qui a été votée. L'inscription dans la Constitution est une loi qui a été votée par les parlementaires et les sénateurs. Donc, ce faisant, il élargit le cadre de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, faire tout ce dont je vous ai parlé, ce qui n'était pas possible avant, en fait, en le constitutionnalisant. Et selon lui, il le sécurise, parce que ça veut dire que si on l'utilise, la loi est une loi inscrite dans la Constitution. Ce n'est pas une loi simplement ordinaire qu'on peut contester ou qu'on peut comment modifier à loisir, voilà. Donc oui, c'est toi, ensuite c'est toi, ensuite c'est toi. Okay. Oui, je voulais faire une remarque par rapport à ce que vous avez dit de l'effet de l'état d'urgence sur les médias. Où en fait, vous nous avez expliqué qu'en fait, il n'y avait pas d'effet en fait. En gros, en théorie, il pourrait y avoir un effet, mais en acte, en fait, il n'y a pas d'effet. Donc les médias n'ont pas de restrictions par rapport à l'état d'urgence, si j'ai bien compris. Et moi, par rapport à ça, je voulais juste poser une question. C'est que, en fait, les terroristes ils jouent avec les médias. Ils ont besoin des médias pour, terroriser les populations. Et René Girard, qui est mort il n'y a pas très longtemps, a théorisé ce qu'on appelle le désir mimétique. Et on parle souvent, quand on parle des terroristes, de mimétisme. Et ce que dit René Girard, c'est que le désir, contrairement à tout ce qu'on a cru avant lui, n'est ni subjectif, c'est-à-dire c'est je désire pas tel objet parce que moi je le veux, ni objectif, je désire pas tel objet parce que cet objet est objectivement le meilleur, mais le désir est toujours médiatisé par un modèle. Donc première chose, et deuxième élément, dans la société actuelle où on est, ce qu'on pourrait appeler le modèle de prestige, c'est la star. C'est-à-dire qu'à l'époque des Grecs, le modèle de prestige, c'était le sage. À l'époque de l'ère chrétienne, c'était Jésus. À l'époque des Lumières, c'était le génie scientifique. Aujourd'hui, pour les jeunes, le modèle, c'est la star, c'est la célébrité. Et donc, à partir de là, moi, ce que je comprends pas, c'est que quand il y a un attentat, la première chose... Enfin, avant même l'attentat, j'ai remarqué que les médias, disaient... Ce que disait Daesh, il disait, par exemple, Daesh a dit qu'il fallait envoyer des voitures sur les gens, etc. Alors moi, j'ai été choqué, je me suis dit, mais attendez, là, c'est de la suggestion, c'est une médiatisation du désir, premier choc. Deuxième choc, quand l'attentat a lieu, la première chose qu'on fait, on donne le nom du terroriste, on montre son image, on en fait une célébrité. Alors dans un sens péjoratif, certes, mais on en fait malgré tout une star ou une vedette. Et donc, pour moi, là, je sens ça comme une violence et comme une dangerosité absolue. Et est-ce que vous ne pensez pas, justement, que dans l'état d'urgence, on devait prendre en compte le concept de désir mimétique pour, justement, éviter de médiatiser ce désir de violence? Et pour finir, je remarque, alors je ne sais pas si c'est un hasard, qu'en Allemagne, il y a eu un attentat et que là-bas, ils ont ni donné le nom et ni montré le visage. Alors, est-ce que eux, ils ont intégré le mimétisme et pas nous, ou est-ce que c'est simplement l'effet du hasard? Alors, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est aussi très très ambigu. À la fois, on est tenu d'informer et les gens nous demandent aussi de faire ce travail-là. Donc, c'est toujours la fameuse ambivalence entre informer et en même temps, comme tu dis, suggérer. Ouais. En tout cas, je n'ai pas du tout la réponse parce que je pense qu'on est en plein dans cette contradiction qui est de devoir donner les infos. Alors par contre, il y a vraisemblablement un problème sur la précipitation qu'on a à donner l'info, ce qui alimente la boîte à fantasmes, mais n'empêche qu'on est quand même un peu, on est tenu de la donner et c'est aussi ce que les gens attendent de nous. Et en même temps, ce faisant, on glorifie, on relaie les messages de Daesh. Quand tu parles du mode opératoire, voilà, on va parler de tout ce que va donner l'agence de presse de Daesh qui est ultra sophistiquée par ailleurs. Donc après, je sais pas quel est le bon curseur en fait, mais c'est un débat qu'on doit et qu'on devrait avoir peut-être davantage dans les médias. Je sais pas si d'autres, voilà. Donc il voulait réagir avant. Merci. Alors d'accord, moi déjà je suis assez d'accord. De toute façon, je pense que les médias ont clairement une part de responsabilité de toute façon dans pas que dans le terrorisme, je veux dire dans notre vie entière, en fait, dans tout ce qui se passe dans notre vie, ils ont une part de responsabilité parce qu'on les regarde, en fait, on les écoute, et donc peut-être qu'on y croit un tout petit peu des fois, enfin voilà. Après, il faut choisir ses médias, je pense, surtout déjà. Je pense que surtout, c'est en ce moment, c'est ce qui est très important. Donc voilà, oui, effectivement, ils ont une part de responsabilité. Après, c'est vraiment, choisis bien ton média et ça se passera bien. Je sais plus trop. Bon, juste pour poser une question super technique, mais j'ai juste entendu parler de la loi Urvoas. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations, parce que du coup, ce que j'ai entendu, ça... ça faciliterait en fait, enfin, ça serait une manière de pérenniser l'état d'urgence, enfin, à longue durée, quoi. Enfin, je sais pas, donc j'ai pas plus d'informations. Si vous pouvez m'éclairer, en fait, tout simplement. Je vais pas pouvoir. C'est la loi renseignement. Tu fais référence à la loi renseignement. En fait, c'est ça qui est assez ambigu, c'est que dans la loi sur l'état d'urgence, on a intégré des éléments antiterreaux et aussi des éléments renseignement. Par exemple, la possibilité de faire des écoutes, de la saisie d'informations téléphoniques et informatives dans le cadre de perquisitions administratives. Donc ça, par exemple, ça, c'est typiquement des choses qui pourraient relever du renseignement ou de la lutte antiterreau. Sachant que dans les lois renseignement et antiterreau, on a aussi mis des éléments qui pourraient relever de l'état d'urgence. Et je pense que ce à quoi tu fais référence sur la loi Urvoie, c'est la question du recueil des signes faibles, des signes donc c'est-à-dire la capacité que la France a désormais de pouvoir ratisser large dans le recueil des données. Alors ça rejoint aussi éventuellement l'intervention précédente, mais franchement c'est à la fois ultra technique et mais c'est un débat en soi qu'il faudrait peut-être initier dans le cadre de la commission. Alors du coup, qui est-ce qui voudrait intervenir? On va faire un ordre parce que sinon c'est compliqué. Donc ok, assez rapide s'il te plaît, merci. Puisque tu es journaliste, je te donne un livre qui s'appelle Le Livre Jaune. Et Le Livre Jaune, c'est un livre que j'ai lu il y a 25 ans. J'ai 45 ans, j'ai lu quand j'avais 20 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des journalistes qui ne pouvaient tellement pas dire de choses qu'ils ont écrit un livre en cachant leur nom et en dénonçant tout ce qu'ils n'avaient pas le droit de dire et tous les mensonges du système. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que vous êtes obligé de dire aux conneries aux gens parce que les gens vous demandent de dire la vérité, de donner les informations. C'est pour ça que vous dites des conneries. Maintenant, les choses importantes, vous ne les dites pas. Pourquoi? Parce que certaines personnes vous disent de ne pas le dire. Donc le plus important, c'est ce que le peuple a besoin d'entendre ou c'est ce que les autres connards vous demandent de dire. Parce que lorsque vous nous dites que l'information de savoir si tel terroriste a les yeux bleus ou si tel chanteur a mangé un chewing-gum la veille, vous croyez vraiment que c'est le peuple qui veut savoir ça? Donc, est-ce que le journaliste, aujourd'hui, dans ce que vous venez de dire, c'est vraiment la personne qui travaille pour le peuple ou qui travaille pareil que les politiciens pour cette oligarchie? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un rapport direct entre le journalisme et le politique? Oui, il y a un rapport direct entre l'oligarchie financière, les grands groupes de... Quand les groupes de presse sont liés à l'oligarchie financière, sont liés à l'oligarchie donc politique, c'est évident. On enfonce des portes ouvertes. La solution que vous avez, c'est de faire pression sur vos médias, de regarder les médias qui se font de la bonne information. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Juste, je rappelle, on a eu une erreur d'inscription sur l'horaire. Le thème de l'intervention, c'est sur l'état d'urgence, hein, c'est pas sur les médias. Oui, je viens de dire, on s'est planté, mais je vais l'effacer si tu préfères. Il y avait deux choses sur lesquelles je voulais revenir. C'est que vous avez repris le discours de Hollande, et en fait, c'est le jour même, en fait, parce que c'est le 14 juillet, il a dit, on va arrêter. Il a fait un effort d'argumentation pour dire, ça sert vraiment plus à rien. Et le soir, il dit, on prolonge. On savait pas encore que ce serait de 6 mois, mais c'est là on se rend compte aussi de la peu de valeur de la parole politique. Enfin, du peu de valeur de la parole politique. Bon, l'autre point sur lequel je voulais venir, sur justement ce que ça peut produire aussi l'état d'urgence au niveau politique. On était dans la semaine mobilisés devant l'Assemblée nationale et on a rencontré une élue. Plutôt de la vraie gauche, je dirais. Et elle nous a dit, mais... Parce que bon, on lui a posé des questions sur l'état d'urgence, sur le travail, sur différentes choses. Et elle nous a dit, mais vous vous rendez pas compte, là, si à l'Assemblée nationale, je vais parler d'autre chose que de l'état d'urgence, on va me traiter de fasciste. On va me dire, si tu veux parler d'autre chose, c'est que t'es pas avec le peuple, c'est que t'es pas... Donc il y a une espèce de délire comme ça qui se crée aussi au sein de la classe politique, comme vous le disiez aussi, où du coup, bah, la droite commence à monter en puissance, mais vraiment pas sur le mode économique ou, je dirais, l'idéologie politique, mais sur l'autoritarisme, en tout cas. Donc, voilà, la question que... Enfin, je sais pas si je peux poser une question par rapport à ça, c'est plutôt des réflexions, mais c'est plutôt une inquiétude, c'est-à-dire, du coup, comme on monte quand même en grade, je me dis, au prochain attentat, ils vont nous sortir quoi, en fait? Parce que, Là, c'est possible qu'il y en ait un autre. Et est-ce qu'ils vont encore monter en grade, puisque depuis le début, ils montent en grade? Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais... Non, voilà, enfin, c'est plus une réflexion, du coup. Donc, non, pas de réaction, je passe à la prochaine question. Ok. Vous m'entendez, c'est bon? Non, c'était pas du tout, c'est pas une question en fait, c'était juste parce que je suis abonnée Mediapart et c'est la première fois que j'ai l'occasion de rencontrer une journaliste de Mediapart et je tenais juste à vous remercier pour le travail de qualité que vous faites. Et aujourd'hui, vous êtes, c'est un bol d'air, sincèrement, c'est, enfin voilà, donc merci, merci pour tout et vous êtes vraiment très très important aujourd'hui, il me semble. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir? Bon, alors, oui, moi, je suis d'accord avec la jeune femme. Quand même, Mediapart fait quand même un travail de qualité. Mediapart fait quand même un travail de qualité. Ce que je n'ai pas compris, c'est justement pourquoi vous parlez au nom de... On avait l'impression que vous parliez au nom de tous les médias. Comme monsieur l'a dit et comme monsieur l'a aussi dit, voilà, monsieur a quand même parlé des médias en général. On sait quand même que beaucoup des médias dits dominants, mainstream, sont quand même... Ceux qui les propriétaires sont des grands capitaines d'industrie qui cherchent à conserver d'abord leurs intérêts privés et donc qui sont en collusion avec une certaine politique qui défend leurs intérêts de capitalistes. Hein. Donc je me suis juste un peu étonnée que c'est courageux finalement et très sympathique de votre part de parler au nom de tous les médias sans vouloir faire la différence, mais il y a quand même des médias qui sont clairement dominants et qui véhiculent l'idéologie que l'on veut, voilà, l'idéologie dominante d'ailleurs, oui. J'attendais, je voulais dire autre chose, ça m'échappe, allez. Non, c'est pas du tout par sympathie, c'est parce que je pense que y a des journalistes et d'ailleurs je pense que tous les gens qui sont là sont pas abonnés à Mediapart et pourtant ont des informations sur l'état d'urgence. Donc je prends avec beaucoup de merci beaucoup pour les compliments, mais je pense qu'il y a des journalistes dans plein de médias qui font leur travail. Par contre, je suis d'accord sur le constat que encore une fois, il y a une concentration des médias, il y a un discours dominant dans les médias qu'il s'agit de combattre, mais on est plus, enfin, il y a plusieurs journalistes et médias, journalistes dans les médias dominants et médias non dominants qui font ce travail-là. J'ai des amis qui sont dans le média, qui font des reportages, ils sont alcooliques aujourd'hui. En fait, ils voient tellement de choses, ils sont Et quand ils sortent du travail, le soir, ils se bourrent la gueule. Ils font des travaux, surtout les journalistes qui font, les reporters, là. Les reporters. Ils ont leur équipe qui revient, ils sont tous les soirs bourrés. Parce que ils voient des choses, et après, ce qui sort à l'antenne, ça n'a rien à voir. Et donc, je veux bien que madame parle de Mediapart, mais Mediapart répète, par exemple, tu sors du périph', t'arrives même pas à parler à l'autre, lui demander son avis. C'est-à-dire qu'on va chercher chez Mediapart la réponse qu'on aurait pu avoir en parlant à son voisin. Et donc ça, c'est une grande problématique aussi du peuple. C'est-à-dire que le peuple ne prend plus en considération l'autre. Donc il va chercher des réponses intellectuelles, donc encore chez les médias. Donc le problème des médias, le problème des... Monsieur a parlé des sages chez les Grecs, ça n'existait pas. Chez les Grecs, ils avaient les philosophes. Les livres de sagesse en Europe, ça n'a jamais existé. Donc en fait, ce qu'on veut dire, c'est que... La problématique en fait intrinsèquement de toutes ces lois d'urgence et tout ça, c'est-à-dire que le système a réussi à pourrir tellement la vie du citoyen d'Europe, qu'il soit noir, blanc, jaune ou je ne sais quoi, parce qu'il vit dans ce qu'on vit, qu'on en arrive nous-mêmes à idéaliser des terroristes comme des stars, à idéaliser des journalistes comme des stars, à idéaliser des intellectuels comme des stars, et à idéaliser la parole de quelqu'un starifié qui serait notre prophète et qui nous dirait comment vivre et comment gérer le vivre ensemble et comment gérer Daesh. Donc, est-ce que vraiment on a tapé sur les médias, mais est-ce que vraiment la vraie problématique, c'est nous le peuple? C'est notre façon de penser, c'est notre vision. Et nous, la façon dont on vit, tout à l'heure, je me suis fâché avec vous, mais en vérité, c'est la façon dont on vit qui fait que vous allez travailler. Et donc, est-ce que vraiment le vrai problème, c'est le peuple qui va donner du pain aux médias, donner du pain aux journalistes, donner du pain aux politiques pour agir de certaines façons et d'accepter les attentats? Si le peuple était contre les attentats, il n'y en aurait plus. Mais le peuple, tellement le lendemain, il s'en fout, ça continue. Tu veux réagir ou pas? Non. Tu veux réagir? Oui, alors pour ceux qui savent pas, quand on fait une croix, c'est opposition radicale à l'UDEBOU. parce qu'on est aussi nuit debout. Moi, je considère qu'on est complètement hors sujet là, tout ce qui vient d'être dit. Qu'aujourd'hui, Mathilde, elle vient là en tant que personne, elle vient pas là en tant que Mathilde de Mediapart. Et ça m'embête beaucoup là, tout ce qui est en train de se passer. Donc, pour moi, c'est le sujet, c'est parler de l'état d'urgence et de la restriction du travail médiatique. C'est pas refaire le débat des médias en France, des journalistes en France, s'ils sont bourrés, s'ils sont pas bourrés. Je suis désolé, pour moi, on s'est complètement écarté du sujet. Et ça me dérange qu'on interpelle une personne, un individu qui, encore une fois, qui vient là en tant que, comme nous tous, on vient en tant que personne. Voilà. Ah si, et c'est pas parce qu'on fait un truc, sincèrement, ça fait 4 mois qu'il y a des gens qui parlent de démocratie qui font de la dictature. On est en train de discuter, il n'y a pas mort d'homme, laisse les gens discuter, et ne dis pas, il y a... Non, t'as pas dit que tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, c'est-à-dire critique ce que l'on dit. Tu as dit que tu n'es pas d'accord parce qu'il ne faut pas embêter une personne. C'est pas sérieux. Bah, je pense qu'il a le droit de penser qu'on s'écarte peut-être du sujet. C'est son avis. C'est voilà. Donc bon, bref. Mais je sais pas. C'est la raison bizarre. C'est ton avis, ça. Ça c'est voilà. Je sais pas. Mais bref. Mais si, il a dit parce que pour lui, on s'écarte du sujet. Il a expliqué parce qu'on n'interpelle pas un individu pour lui parler de en condamnant sur sa profession. Je veux dire, elle pourra pas te répondre sur tous les journalistes. Elle peut pas. Oui, d'ailleurs, non, mais c'est lui qui me demande, donc bref, si on peut revenir sur le débat. Vous avez parlé de l'article 11 qui devait contrôler la presse, normalement, c'est ça, dans la loi, voilà. Et en fait, donc là, il a jamais été utilisé, mais ce qu'on voit, c'est... D'accord, cette fois-ci. Ah, donc, les états d'urgence précédents, il était... Oui, voilà, d'accord. Et donc cette fois-ci, il n'est pas utilisé. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a vu des images où, en fait, concrètement, alors il n'y a pas un contrôle, certes administratif, etc., mais sur le terrain, il y a un vrai contrôle, un blocage. On a vu des photos, enfin, vider des photographes, vider des appareils photo, enfin, voilà, des choses comme ça, quoi. Ça, par contre, je peux répondre. Juste sur la critique des médias, par ailleurs, il n'y a aucun problème pour la critique des médias. Enfin, c'est au contraire. En fait, il y a effectivement eu tout un tas d'affaires de tabassage de journalistes, de photographes, vider les appareils photo, vider les... Enfin, même cible par lacrymo de vidéastes ou de journalistes, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe et ça existera encore, mais ce n'est pas dans le cadre... Enfin, il n'y a pas de justification administrative dans le cadre de l'état d'urgence. C'est pour ça que je parlais de l'exemple de vous entrez pas dans une manif. À mon avis, c'est de l'imagination par rapport à... En tout cas, c'est donner un motif qui n'est pas absolument pas légal. Enfin, voilà. Donc moi j'invite tout le monde à participer, à dire des choses, à poser des questions, n'hésitez pas parce que là au final c'est toujours les mêmes personnes qui s'expriment, c'est pas grave hein, mais en tout cas je suis sûr qu'il y a plein de gens ici qui ont des choses à dire, qui ont des questions à poser et il faut pas qu'ils hésitent à intervenir, voilà. Franchement n'hésitez pas, vous allez pas vous faire manger et le micro il vous fera pas de mal. Oui, d'ailleurs moi j'y connais strictement rien donc je suis là pour apprendre, donc je précise pour tout le monde hein. J'avais juste une question quand même. Quand on manifeste, il s'agissait donc, vous disiez qu'il fallait absolument qu'il y ait, s'il n'y a pas de moyens de protéger, en fait, on interdit. Mais je voulais savoir, la protection, est-ce que c'est obligatoirement de l'État ou est-ce que ça peut être par exemple, je sais pas, la CGT, ils ont aussi un. Comment, jusqu'où, voilà. En fait, pour le cas de la manifestation, de état d'urgence ou pas état d'urgence, on n'a pas le droit d'interdire une manifestation en France. Par contre, on peut considérer, état d'urgence ou pas état d'urgence, que la garantie de l'ordre n'est pas optimale. Donc c'est jamais utilisé, parce que voilà, mais l'état d'urgence, par contre, institutionnalise en tout cas la possibilité en amont d'interdire une manifestation. Et le motif, c'est que les moyens de garantir l'ordre ne seront pas assurés. C'est-à-dire, par exemple, comme les forces de l'ordre sont mobilisées à sécuriser les lieux de culte, les institutions, etc., il n'y aura pas forcément assez de monde pour sécuriser la manifestation. La sécurisation d'une manifestation relève à la fois du service d'ordre syndicaux, mais aussi de l'État. En fait, c'est les deux. C'est pour ça que d'ailleurs que les organisations syndicales déposent et négocient en général les parcours avec la préfecture, parce que la préfecture est aussi responsable du maintien de l'ordre. C'est aussi pour ça qu'il y a un gros débat sur qui doit payer pour les abribus cassés, pour les vitrines défoncées, etc. En fait, c'est vraiment une responsabilité partagée. Voilà, donc est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir ou poser des questions ? Non ? Vous êtes sûr ? Ah, voilà. N'hésitez pas. Hein. Où est-ce qu'on est précisément par rapport à la constitutionnalisation de l'état d'urgence ? La loi sur l'état d'urgence est rentrée dans la Constitution à l'issue du débat qui s'est achevé, je crois que c'est mars. En fait, au même moment où la déchéance de nationalité n'a pas été retenue dans la Constitution, l'état d'urgence, lui, y est entré. C'est dans la Constitution. Voilà, très bonne question. Donc, quelqu'un d'autre, peut-être ? Oui, alors monsieur, ben, il est parti le monsieur qui parlait du mimétisme chez René Girard, etc. Bon, je suis d'accord avec la suite de ce qu'il a dit, mais au début, il a parlé de quelqu'un qui... ou les médias qui voulaient terroriser... Non, ce n'est pas des médias, il a dit « voulait terroriser ». Moi, j'ai ajouté, je me suis permise de l'interrompre, je voulais dire que le gouvernement veut aussi terroriser les populations, et cela, il le fait par l'intermédiaire de certains médias. Car c'est une certaine façon de présenter les choses qui active la peur chez les gens. Et la peur n'évite pas le danger, de toute façon, on le sait. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est plutôt une façon d'utiliser les informations sur l'état d'urgence qui vont être présentées d'une certaine façon, qui vont faire que les gens vont avoir encore plus peur, vont être dans l'émotion, ne vont pas essayer de réfléchir aux raisons qui font que certaines choses se passent en France, parce qu'on parle pas beaucoup de politique quand même autour de ça, mais sans vouloir excuser qui que ce soit, il faudrait quand même savoir que la France mène une certaine politique de guerre qui peut aussi échauffer certains esprits. Voilà, et je n'excuse personne, mais je pense qu'il faut quand même resituer le débat politiquement. Voilà. On va passer à une autre réaction. Justement, par rapport à ce que vous dites, l'état de terreur dans lequel nous sommes a pour but de faire passer l'acceptation de la population pour le contrôle des données et l'exploitation, du moins le big data, qui deviendrait dans ce cas-là notre ami, parce que soi-disant, il serait notre protecteur. Et je pense qu'on a tous vu au niveau du 11 septembre ce que ça a fait aux États-Unis. On est en train de vivre la même chose, exactement la même chose, parce que tout le système de renseignement que Snowden a dénoncé, et très bien fait de le faire d'ailleurs, et il a été très courageux, eh bien, il faut savoir que lui, il a très clairement dit que c'est le 11 septembre qui a été le point de départ de tout... de toute cette numérisation des données et stockage des données, tout ce qu'on fait donc est stocké, et le jour où ils en ont besoin, ils vont pouvoir regarder. Ils ont dépensé des milliards pour s'équiper en fait pour ça. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vivre exactement la même chose. C'est-à-dire que les attentats sont utilisés pour terroriser les gens, pour qu'ils acceptent la restriction de leur liberté et l'exploitation de leurs données, la surveillance généralisée de la population. Tu veux réagir ? Non ? Voilà, donc madame veut reposer une question. D'un point de vue constitutionnel, est-ce qu'on sait comment on peut l'enlever de la Constitution maintenant ? ou si ce genre de choses a déjà été fait pour d'autres articles de la Constitution ? Je suis pas constitutionnaliste du tout, donc je dirais que pour mettre ou démettre un article de la Constitution, il faut réunir le Congrès à Versailles et avoir une majorité aux 3/5. Deux tiers ou 3/5? 3/5, je crois. Hein. C'est par exemple pour ce type de questions, par exemple sur le vote des immigrés, ça devrait rentrer dans la Constitution, et donc il faut une large majorité. Donc c'est pour ça que le gouvernement dit qu'il ne l'aura pas, par exemple. Donc ça c'est pour démettre. Peut-être que c'est le même principe. Par contre, ce que je sais, c'est ce que je disais dans mon intervention, il y a plusieurs éléments de nouveaux dans la loi d'état d'urgence votée là jeudi dernier, qui seront vraisemblablement attaqués auprès du Conseil constitutionnel. En fait, il y avait déjà eu des éléments lors de la première deuxième mouture, celle de novembre, qui ont été attaquées en QPC devant le Conseil constitutionnel et qui donc ont été déclarées non constitutionnelles par le Conseil constitutionnel, mais qui ont néanmoins refait leur apparition dans la troisième version. Donc vraisemblablement, ils vont à nouveau être à nouveau attaqués en fait. Donc là, on va arriver vers la fin de l'intervention. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions ou intervenir. Voilà, on va arriver dans les dernières minutes. Merci. Et sinon, pour oublier, revenir sur le sujet de tout à l'heure de leur sujet, c'est-à-dire qu'on n'est pas en AG, là, on est en éducation, donc là, les paroles sont libres, je pense. Et donc, ce que je voulais dire, en fait, pour revenir sur l'état d'urgence. Est-ce que il n'y a pas aussi ce fonctionnement d'état d'urgence, donc avec les médias, les politiques et toutes les associations de gonfler ce truc pour accaparer le quotidien des êtres humains de toutes les façons. Lorsqu'il y a de la mort quelque part, on dit état d'urgence, les gens vont pas dire non. Cependant, vous avez remarqué qu'il n'y a pas il y a une état d'urgence, mais il n'y a pas de militaires autour de nous, ou très peu. Ben en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il y a l'état d'urgence en France, ça a été triste. Par exemple, il y a eu à Nice, il y a eu 84 morts, je crois. Et donc, l'état d'urgence, la France n'est pas capable de mettre ses militaires pour protéger son peuple, parce que les militaires sont en train de tuer d'autres peuples ailleurs. Donc, en fait, ce qui se passe, l'état d'urgence, non seulement on peut pas protéger le peuple français, mais on lui pourrit le crâne de médias qui répètent des discussions et on lui met encore des lois à côté pour que les gens s'occupent. Pendant ce temps, il ne s'occupe pas de ce que fait vraiment l'État. C'est-à-dire que, en même temps qu'il y a l'état d'urgence, la France à l'extérieur est en train de tuer des gens. Et tous les militaires français sont mis en place pour tuer des gens à l'extérieur. Et nous sommes ici pour savoir si on est soumis, si on a peur. Là, on est là, tournez-vous, il n'y a aucun militaire autour de nous. Pourtant, on est en plein état d'urgence. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cet état d'urgence du... Ouais, voilà, quoi. Est-ce que médiatiquement parlant, madame, vous qui travaillez dans les médias, qui pouvez voir les choses, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de carotte, pour ne pas dire le... Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que il y a en fait l'état d'urgence n'est pas une loi pour voter des moyens, par exemple tel un nombre de militaires ou renforcer les... C'est vraiment une loi sur un cadre législatif. Les lois antiterroristes et les lois renseignement, la loi antiterroriste notamment, peut décider de renforcer les moyens des forces de l'ordre ici en France. Voilà. Donc ça, en fait, il y a trois cadres différents. Les lois renseignement, la loi antiterroriste et la loi sur l'état d'urgence. Mais la loi sur l'état d'urgence, ce dont je suis venue parler aujourd'hui, est simplement une loi de qu'est-ce qui est permis administrativement au niveau judiciaire et au niveau de la restriction de manifester et de s'exprimer. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment répondre à ta question, parce que c'est vraiment pas une question qui relève de l'état d'urgence. Il y a rien dans la loi sur l'état d'urgence qui va dire on va renforcer la présence policière sur la place de la République, par exemple, ou autour des stades ou à Nice. Bon, bah je fais une dernière relance. Ah voilà, il y en a qui se dévouent. Bonjour, juste une petite question simple. Est-ce que le peuple français doit refaire la Révolution française ou pas? Allez, bon courage. Je peux pas répondre à cette question. Voilà, répondez à cette question. Il y a un monsieur là-bas. Il a levé la main. J'ai pas vu, ah oui. Je voudrais dire aussi une observation, c'est que si on est dans cette situation-là, c'est qu'on paie aussi les conséquences de notre action en Syrie. Quand on s'ingère dans les affaires d'un pays comme la Syrie, on combat un gouvernement de la Syrie. On sait que le gouvernement d'Assad el-Assad, c'est un gouvernement qui a des relations avec des organisations terroristes. Quand on fait la même chose en Iran ou dans d'autres pays du Proche-Orient, c'est qu'on s'expose naturellement à une situation d'attentat en France. Tu veux réagir? Non. Là on va arriver à la fin. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent encore réagir, peut-être poser des questions. Ah, madame, qui se motive à la dernière minute. Allez-y. C'est, c'est une toute petite question, toute simple et toute bête. Tout à l'heure, dans le métro, on a arrêté le métro parce qu'il y avait des gens qui avaient des bicyclettes dans le métro et maintenant c'est interdit. Alors, est-ce que c'est par rapport à cet état d'urgence ? J'avais jamais entendu ça. Je pense pas. En fait, par exemple, pour prendre des exemples un peu quotidiens, l'annulation des festivités à la Villette, du cinéma en plein air, ça relève pas du cadre de l'état d'urgence, ça relève de la préfecture, de la décision de la préfecture, c'est-à-dire qui, pour des raisons de sécurité, va interdire telle ou telle manifestation. Et il faut quand même différencier les niveaux de décision. Et juste, c'est pas parce que je réponds pas que je suis pas d'accord, hein, c'est juste que j'ai rien de particulier à dire sur le sujet. Voilà, on arrive à la fin. Adèle de la commission éducation populaire debout va passer entre vous pour récolter de l'argent parce que, bien évidemment, nous sommes bénévoles, on gagne pas d'argent, on fait pas de profit. Et n'hésitez pas à nous donner de l'argent parce que on en a besoin pour acheter du matériel, pour décorer, parce que la décoration n'est pas encore au top, comme vous pouvez le voir, mais ça va venir. Et pareil, hein, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des interventions à faire. On est ouvert, venez nous proposer des interventions. Et, le prochain rendez-vous, c'est samedi prochain. Ah ben. Non, pour le moment, en fait, on n'a pas beaucoup d'interventions, donc venez nous voir et vous pouvez même venir intégrer la commission éducation populaire debout. Venez nous voir et voilà. Oui, il y a toutes les informations. En fait, vous pouvez lire, il y a toutes les informations pour nous rejoindre qui sont affichées sur les côtés. Donc voilà, il vous suffit de lire et ou de venir nous voir et de discuter avec nous. Voilà, bonne soirée à tous. Ouais, c'est clair.